Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 9e. Sauvage de l'Acadie. Division de l'Acadie par province. Peuplade sauvage qui l'habitait. Souriquois et Etchemin. Sagami et Sagamos. La grande guerre des Souriquois contre les Armouchiquois. Bataille dans la baie de Chouaquet. Croyances et mœurs des Souriquois. Ils demandent le baptême. Conversion du chef Mambertou et de sa famille. Son caractère et les qualités qui le distinguaient. Grand ami des Français. La langue souriquoise ou Micmac. Nous avons vu, dans un chapitre précédent, qu'il y avait divergence d'opinion sur ce qu'il fallait entendre par Acadie. Les uns la limitaient à la péninsule de la Nouvelle-Écosse. D'autres, comme Denis, la partageaient entre quatre divisions ou provinces. Celle des Etchemins, depuis la rivière Saint-Jean jusqu'à la Pentagouet ou Penobscot. La seconde comprenait les côtes de la baie française et se terminait au Cap Fourchu. La troisième, portant le nom d'Acadie, embrassait les côtes depuis le Cap de Sable jusqu'au détroit de Canseau. La quatrième, enfin, appelée province du Saint-Laurent, formait le gouvernement de Denis et comprenait le Cap Breton, l'île de Miscou, la baie des Chaleurs, la Gaspésie jusqu'au Cap Forillon. Ces quatre provinces étaient peuplées par deux tribus sauvages, distinctes par la langue, bien que d'origine commune. Elles formaient deux rameaux détachés de la grande souche algonquine, nation puissante du Canada. C'étaient les Etchemins déjà nommés, échelonnés le nom des rivières Saint-Jean et Sainte-Croix, et les Souriquois qui habitaient l'Acadie, le Cap-Breton et la Gaspésie. Au sud de la rivière Pentagouet étaient les Armouchiquois, dont les bourgades puissantes se trouvaient sur les bords de la mer jusqu'à Chouaquet, les Massachusetts, les Wampanoags, les Pequods, les Narragansetts. Williamson croit que les Etchemins, ou Malécites, étaient les mêmes que les Armouchiquois à cause de la ressemblance entre leurs noms. Mais nous croyons qu'il fait erreur, car ces deux peuples différaient essentiellement et par la langue, et par les habitudes, et par le caractère. Les Souriquois de l'Acadie et du Golfe Saint-Laurent, appelés aussi Micmac, ne dépassaient pas alors 3 500 âmes. Les Etchemins étaient plus nombreux, environ 5 000. Ils vivaient, comme tous les sauvages adonnés à la pêche et à la chasse, sur le bord de rivière et sur le littoral de la mer. Leur gouvernement était celui de la famille, où tout est en commun, avec un chef nommé Sagamo pour gouverneur. L'autorité souveraine s'étendait sur une région assez mal délimitée qu'on appelait Sagami. Il y avait les Sagami de la Hève, de Saint-Jean, de Sainte-Croix et de Pentagouet. Nous avons préalablement mentionné les Sagamo Mambertou, de la baie Sainte-Marie, Choudon de la rivière Saint-Jean, Sassinou de Kinébéki, Bessabé de Pentagouet. Il y en avait d'autres, moins importants cependant. Le Sagamo était ordinairement l'aîné de la famille la plus puissante et la plus nombreuse. Cependant, cette haute dignité était élective et non héréditaire en principe. C'est à lui qu'incombait le soin d'entretenir les chiens de chasse, de construire les canaux de pêche et d'amasser les provisions pour tous ses sujets. Les Sagamos d'une même nation entretenaient entre eux des relations suivies, et chaque année, ils s'assemblaient en conférence pour traiter des affaires générales de leur confédération. On réglait les questions de paix et de guerre avec les tribus étrangères. Les Sagamos seuls avaient voix délibérative dans les conseils. Eux seuls portaient la parole, à l'exception de certains autres moins ou devins de grand âge et renommée. Mais il arrivait quelquefois qu'un même individu était en même temps Sagamo et autre moins. Mambertou en est un exemple remarquable. Si, dans ces assemblées générales, l'on apprenait que les tribus voisines ou étrangères se préparaient à la guerre, ou qu'elles avaient tué quelqu'un des leurs, l'on dépêchait aussitôt des messagers vers les nations de même langue ou de même origine pour les convoquer à une réunion spéciale où l'on décidait la ligne de conduite à suivre. Ces délibérations, quelquefois prolongées, se terminaient souvent par la confusion, sans résultat. À l'époque qui nous occupe, 1606-1607, les Souriquois et les Etchemins avaient résolu de porter la guerre chez les Amouchiquois et s'étaient réunis durant l'été de 1607. Les sauvages étaient venus de tous les coins de la Gaspésie et de l'Acadie, et lorsque l'escarbot visita l'entrée de la rivière Saint-Jean, il y rencontra un parti de Souriquois de la Gaspésie. Les montagnais de Tadoussac, commandés par Alain Dabijou, avaient aussi été fidèles au rendez-vous. C'étaient des amis de vieille date, bien que les sauvages du bas du fleuve, entre autres les Bersiamites, leur fussent hostiles. La guerre présente avait été occasionnée par l'assassinat de Pannonias. Ce crime, qui criait vengeance au ciel, datait de l'année précédente. Pannonias était allé trafiquer chez les Amouchiquois des marchandises du magasin de Port-Royal. Ceux-ci le mirent à mort sans raison, et son corps fut apporté d'abord par Bessabé, sagamo de la rivière Pentagouette, et puis remis aux sauvages de Sainte-Croix, qui l'embaumèrent et lui firent de superbes funérailles à leur façon. En fin de compte, Mumbertou fit venir la dépouille du chef à Port-Royal où, pendant 8 jours, les échos des bois retentirent des clameurs des sauvages consternés. Les parents de Pannonias le gardèrent dans leur cabane jusqu'au printemps de 1607, alors qu'eut lieu l'assemblée des sauvages qui décida de venger sa mort. Puis l'on alla déposer le cadavre sur une île écartée, près du cap de sable, à 25 ou 30 lieues de Port-Royal. Cette guerre entre les Souriquois, les Etchemins et les Montagnais d'une part, contre les Amouchiquois, est restée célèbre dans les annales guerrières de ces peuples. L'escarbot a chanté, dans un poème épique, l'odyssée de cette lutte presque homérique, dont l'issue fut la défaite des Amouchiquois. Les chefs, du côté des alliés, étaient, à part Mumbertou et Alain Dabijou, Messamouette, ancien domestique du sieur de Grandmont, en France, et Sagamo du port de la Hève, Choudon, Guzagat, Médagouette, Ouagimon, Ouagimec, Sassinou et Pannoniagès, frères de la victime. Du côté de l'ennemi, venaient en première ligne Oulmechin, chef de Chouakouet, Bessabé, Marchim, Nessinou, Abéjou, Argostembrouette, Bertachin et Chitagat. La rencontre eut lieu dans la baie de Chouakouet, au cœur même de la bourgade d'Oulmechin. La bataille fut terrible. Les Amouchiquois étaient valeureux dans les combats et ils avaient l'avantage d'être chez eux. Le sort allait tourner en leur faveur quand une femme apparut soudainement sur le rivage aux yeux des combattants et, élevant les bras et la voix, elle s'écria « Quoi donc ?» s'adressant au guerrier de Mumbertou. « Vous vous sauvez devant vos ennemis ? Vous n'êtes pas digne de vivre. L'arche, retournez dans le sein des mères qui vous ont porté. » À cette voix bien connue, car c'était Néguiohadec, mère de Pannonias, qui les apostrophait ainsi, les rangs se resserrèrent de nouveau et la bataille recommença avec une nouvelle fureur. Les Amouchiquois, se voyant criblés de flèches, ne purent résister longtemps et bientôt ce fut un sauve-qui-peut général dans leur rang. 20 des leurs trouvèrent la mort dans cette rencontre et 10 furent blessés. Oulmechin et Marchim furent mortellement atteints par Sassinou. Pannoniagès reçut un javelot en pleine poitrine. Mumbertou fendit le crâne à Mnessinou au moment où celui-ci venait de lancer un dard dans la hanche d'Actodinec, le chéri de son père. Et, ajoute l'escarbot, « Ce qui est ici digne d'étonnement, c'est que des Souriquois n'aient mort un seulement. » Ce mémorable fait d'armes immortalisa la mémoire de Mumbertou, et après sa mort, les sauvages ne lui connurent plus d'autre nom que celui de grand capitaine. Les sauvages de l'Acadie et de la Gaspésie portaient une haine mortelle à ceux de la rivière Bersiamis, ainsi qu'aux Esquimaux du Labrador. On les vit souvent traverser le golfe en canot, sans boussole, et aborder à l'endroit précis où ils avaient résolu de prendre terre. Ces querelles durèrent longtemps, mais elles finirent un jour par se calmer à la faveur d'un traité de paix qui fut conclu à l'île de Percé au commencement de juillet 1646, entre les Sagamo Bétiamites et Souriquois, par l'intermédiaire de Wandagaro de l'île de Miscou. Simon Nichabruit, connu sous le nom de Boyer, capitaine de Tadoussac, et le sagamo de la baie des Chaleurs, l'avait choisi pour cette importante mission, à cause de sa bonne renommée de douceur, de modération et d'estime dont il jouissait parmi les Montagnais et les Micmacs. Quant aux Esquimaux, ils restèrent les ennemis des nations souriquoises ainsi que des Basques, à qui ils avaient voué une haine mortelle. Pour revenir aux coutumes de nos sauvages acadiens, ils donnaient à leurs enfants des noms particuliers, différents parfois de celui du chef de la famille. Souvent, le fils aîné portait le nom de son père avec l'addition d'un diminutif. Ainsi, l'aîné de Mumbertou s'appelait Mumbertou Quachis. Le second ayant pris le nom d'Actodine, le puis aîné reçut le nom d'Actodinec. De même, Mantamertwer eut un fils nommé Semkoud, dont le frère puis aîné s'appelait Semkoudek. Après la mort de son père et de son frère aîné, Semkoudek abandonna son nom et se fit appeler Paris parce qu'il avait eu l'avantage de voir la grande capitale de France. Il changeait ainsi de nom pour éviter le souvenir des défunts, car il détestait la mémoire des morts de leur famille et jamais il ne prononçait leur nom. Ainsi, Mumbertou ne fut plus connu après sa mort que sous le nom de capitaine et Choudon sous celui de père. Les enfants étaient l'objet de la plus tendre affection de leurs parents, mais les femmes étaient traitées comme des esclaves. Leurs maris les battaient sous le moindre prétexte. Les familles n'étaient jamais nombreuses et le divorce leur était à peu près inconnu. Bien que la polygamie fût permise, on rencontrait chez eux des pères qui n'eurent jamais qu'une seule femme. Tel fut Mumbertou, même avant sa conversion. On cite des cas de longévité extraordinaires parmi ces indigènes, assez peu soucieux pourtant de leur santé. Ainsi, Mumbertou dépassait 100 ans quand il mourut, en 1611. Son fils aîné, Louis, avait alors plus de 60 ans, comme l'escarbot en fait foi. Comme il a déjà été dit, cet illustre sagamo, le plus redouté qu'il y ait eu depuis plusieurs siècles, prétendait avoir connu Jacques Cartier en 1534. Il était déjà marié à cette époque. Cette affirmation a une bonne couleur de vérité, car il pouvait avoir alors une vingtaine d'années. Les Souriquois croyaient à une divinité qu'ils nommaient Niskaminou, ou Soleil. Ils l'invoquaient surtout dans leurs nécessités corporelles en disant « Notre soleil, donne-nous à manger. Niskaninou, Igamouni, Ninem, Marcodam. » Ils croyaient à l'immortalité de l'âme, mais ils ne possédaient que des notions vagues sur la vie future. Leur culte se réduisait à sa plus simple expression. Ils n'avaient ni idole, ni autel. Leurs prêtres étaient des sorciers ou devins qui étaient en même temps médecins du corps. Si quelqu'un tombait malade, on envoyait guérir l'autre moins, qui soufflait sur la partie affectée, y faisait des incisions, puis en suçait le mauvais sang. S'il était appelé à guérir une blessure ou une plaie, une tranche de rognon de castor était appliquée sur le mal. L'autre moins rendait des oracles, prédisait l'avenir, et il s'acquittait souvent de cette fonction avec un succès assez étonnant. Mumbertou, ayant été consulté pour savoir si les Français, déjà en retard, car on était au 15 juillet, viendraient cette année-là, affirma qu'un navire ferait bientôt son apparition dans le port royal, et l'événement lui donna raison. Mumbertou prétendait avoir des communications directes avec le diable en personne, et l'escarbot rapporte qu'il lui en entendit souvent dire que « Ce maître diable égratignait Mumbertou dans ses luttes avec lui. » L'autre moins portait à son cou, comme insigne de sa profession, une bourse triangulaire toute brodée en perles et en poils de porc-épic, dans laquelle étaient soigneusement renfermés leurs démons, appelés Aoutem. Ces sauvages étaient doués d'un assez bon naturel, et ils se laissaient facilement impressionner par les missionnaires français. Avant de recevoir le baptême, plusieurs vivaient chrétiennement. Ainsi, Choudon, Sagamo de Ouigoudi, ne portait pas un morceau de pain à la bouche sans lever les yeux au ciel et sans faire le signe de la croix. Ils se mettaient à genoux pendant les prières et se disaient en commun au port de Port-Royal. Il avait planté une croix dans sa bourgade et même les sauvages en avaient placé dans leur cabane. Le sagamo portait aussi la croix sur sa poitrine afin de prouver à tous qu'il n'était plus sauvage, c'est-à-dire brut ou barbare comme les autres. N'est-ce pas là l'origine du culte de la croix que le père chrétien Leclerc retrouva plus tard si en vogue au milieu des Souriquois de la rivière Miramichi? Ces Souriquois reçurent le nom de porte-croix ou cruciantaux parce qu'ils avaient des croix incrustées partout, sur leurs canaux, sur les murs de leurs cabanes. Ils se tatouaient le corps de ces figures représentant un des plus grands mystères de notre religion. Il est tout naturel de penser que ces sauvages avaient appris des aides-chemins de la rivière Saint-Jean à vénérer le signe du salut, au lieu de faire remonter cette louable coutume aux Normands ou Northmen du Xe siècle, avec lesquels les sauvages de l'Acadie auraient eu des rapports. Mumbertou et Choudon donnèrent, les premiers, l'exemple d'une conversion sincère. Le père Biard, qui a le plus écrit sur le compte des sauvages de l'Acadie, nous apprend qu'ils se laissaient facilement baptiser, mais qu'en consentant à embrasser le christianisme, ils avaient plus en vue de conquérir l'amitié des Français que de se convertir sincèrement. Mme Berthoud fait exception, dit-il. Car il était chrétien de cœur et ne désirait rien tant que de pouvoir être bien instruit pour instruire les autres. L'escabeau avait jeté les premières semences de vérité dans le cœur du grand chef. Les conférences qu'il donnait tous les dimanches, avant l'arrivée des missionnaires, et auxquelles les sauvages assistaient à côté des Français, furent le commencement de son instruction religieuse. Mme Berthoud comprenait un peu le français. Des rapports de longue date avec les Basques, dont le langage avait une certaine affinité avec le nôtre, avaient fini par le familiariser avec quelques expressions françaises d'abord, puis avec la langue. Les Souriquois, en général, du temps de Poutrincourt de l'Escarbot, entremêlaient leurs discours d'une foule de mots basques qui les rendaient presque incompréhensibles, excepté des Basques eux-mêmes. Le baron de Saint-Just, fils de Poutrincourt, parlait fort bien l'idiome des Souriquois. Il se faisait un plaisir d'enseigner à Mme Berthoud les premières vérités de notre religion. Toute la famille du vieux Sagamo assistait aux leçons de catéchisme avec un recueillement et un esprit de foi édifiant. Peu à peu, la lumière se fit dans les âmes de ces enfants des bois, et quand vint le jour où le prêtre devait verser sur leur front l'eau régénératrice, ils étaient parfaitement éclairés sur nos mystères. La cérémonie du baptême avait été fixée au 24 juin, jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Les néophytes, au nombre de 21, vinrent prendre leur place dans leur cabane de bois, qui servait de chapelle. Chacun, suivant les expressions de l'escarbot, fit reconnaissance de toute sa vie, confessa ses péchés et renonça au diable qui l'avait servi jusque-là. L'eau sainte ayant coulé sur leur tête, le missionnaire Jessé de Fléché entonna le Te Deum. Et le canon du fort fit résonner les échos de la forêt en signe de réjouissance. Les nouveaux chrétiens reçurent chacun un nom de saint. Mme Berthoud fut appelé Henri, du nom du roi de France Henri IV, que l'on croyait encore vivant. La femme de Mme Berthoud reçut le nom de Marie, en mémoire de la reine régente. Les autres baptisés étaient Mme Berthoud Coachis, Judas, fils aîné de Mme Berthoud, âgé de plus de 60 ans, nommé Louis par M. de Biencourt, en souvenir du dauphin. Acto Dinec, troisième fils de Mme Berthoud, surnommé Paul, du nom du pape Paul, alors glorieusement régnant. La fille du vieux chef, nommée Marguerite. Sept enfants de Mme Berthoud Coachis, dont six filles et ses trois femmes. Arnest, cousin du grand chef, Agoudegwen, autre cousin, sa femme, deux filles et une nièce. Depuis ce moment jusqu'à sa mort, Mme Berthoud donna des preuves de sa piété et de sa foi profonde. Il portait une croix sur sa poitrine et assistait régulièrement aux offices religieux. Son exemple fut bientôt suivi par une centaine de ses compatriotes. Si ce vertueux néophyte eût vécu plus longtemps, il eût certainement converti toute sa nation, car il prêchait de paroles et d'exemples. Au témoignage de l'escarbot, il semblait disposé à vouloir implanter le règne du Christ, même par la force des armes, sur toutes les plages acadiennes. Au commencement de septembre 1611, le vieux Sagamo, alors résident à la baie Sainte-Marie, tomba malade de la dysenterie. Biencourt l'envoya chercher pour lui épargner les sorcelleries des jongleurs qui avaient déjà failli l'envoyer dans l'éternité au moyen de leurs absurdes magies et aussi pour le faire soigner par Louis Hébert, apothicaire de l'habitation de Port-Royal. Le père Edmond Massé le logea dans sa cabane et le fit coucher dans le lit du père Billard, alors occupé dans ses missions. Quand il arriva, quelques jours après, il ne voulut pas que le malade fût dérangé et les deux jésuites ne cessèrent pas un instant de lui prodiguer leurs soins. Au bout de 5 ou 6 jours, la femme et la fille de Mme Berthoud vinrent offrir leur service. Force fut aux missionnaires de déloger leur hôte pour qui l'on dressa une cabane spéciale. Ils n'en continuèrent pas moins à lui donner toute l'assistance possible. Voyant que la vie allait bientôt quitter leur cher malade, ils le confessèrent une dernière fois et lui administrèrent l'extrême-onction. Ainsi muni des sacrements de l'Église, Mme Berthoud fit approcher tous les membres de sa famille et, dans une exhortation, aussi touchante que solennelle, il leur recommanda de rester ferme dans la foi catholique afin de pouvoir mourir content comme lui et de se montrer plein de déférence pour M. de Poutrincourt, son frère. Après les avoir tous bénis au nom de la très sainte Trinité, il expira doucement le 18 septembre. Durant sa maladie, Mme Berthoud avait manifesté le désir d'être enterrée dans le cimetière sauvage à côté de ses parents et de ses ancêtres. Le père Billard lui exposa que la religion catholique s'opposait à ce qu'un chrétien partageât la demeure des païens et qu'en agissant de la sorte, il serait cause d'un grand scandale. M. de Biencourt, malheureusement, intervint dans cette petite démêlée en faveur du sauvage qui résista aux bonnes raisons du jésuite, d'autant plus qu'il se sentait appuyé du commandant. Alors, le père Billard déclara qu'il ne présiderait pas aux obsèques et quitta la cabane du mourant. Craignant cependant que Mme Berthoud n'interprétât mal son départ, le père revint, quelques instants après, reprendre son rôle de garde-malade. Touché de cette grande charité, Mme Berthoud lui dit qu'il désirait être enterré dans le cimetière catholique afin de participer aux prières de l'Église. La mort de cet illustre sagamo contrista fort les jésuites qu'il aimait sincèrement. L'amitié du reste était bien réciproque. Mme Berthoud leur disait souvent « Hâtez-vous d'apprendre ma langue. Quand vous la saurez, vous m'instruirez mieux, et alors je deviendrai missionnaire comme vous, et ensemble nous convertirons tout le pays. » Le père Billard, dans sa relation, dit que « Les sauvages n'ont pas mémoire d'avoir eu jamais un plus grand sagamo, ni plus autorisé. Et plus à Dieu, ajoute-t-il, que tous les Français fussent avisés et discrets comme il était. » Ses funérailles furent très solennelles. Tous les Français de Port-Royal se firent un devoir d'être présents. Les sauvages entouraient le cercueil en pleurant. De la cabane mortuaire, le convoi se rendit à la chapelle, les missionnaires en tête, pendant que le canon du fort faisait entendre sa voix majestueuse. L'office divin terminé, le corps fut reconduit avec la même pompe jusqu'au cimetière, où il reposait à l'ombre de la croix. « Mme Berthoud, dit Charlevoix, n'avait rien de barbare que l'extérieur et la fierté. L'escarbot, qu'il a beaucoup pratiqué, en a fait un éloge qui paraîtra sans doute exagéré à ceux qui ne savent pas qu'il peut se rencontrer partout des hommes si heureusement nés que ni le défaut de culture ni une éducation sauvage ne les empêche pas de s'élever, par leur propre génie, au-dessus de la plupart même de ceux qui ont eu plus de secours pour se former l'esprit et le cœur. Il était brave et habile guerrier. Il était de la plus grande taille et avait l'air noble. On dit même qu'il avait de la barbe, ce qui est si rare parmi les peuples de l'Amérique que, s'il ne fut pas né avant l'arrivée des Français dans son pays, on n'eût pas douté que le sang européen ne fût mêlé dans ses veines avec le sang américain. Enfin, il s'était donné sur toute sa nation une autorité que nul autre ne s'était donnée avant lui. » Ce témoignage, joint à ceux du père Billard, de l'Escarbot et de Champlain, suffit pour établir que Mme Berthoud fut le plus grand entre tous les sagamos de la nation souricoise. Son amitié pour Champlain, Louis Hébert et les Jésuites doit nous faire chérir la mémoire de celui que la tradition indienne n'a cessé de reconnaître sous le nom de grand capitaine. Le fondateur de Québec assure que, de son temps, Mme Berthoud avait la renommée d'être le plus méchant et traître qui fut entre ceux de sa nation. Cependant, sa conduite valait mieux que sa réputation, puisque Champlain lui-même déclare que, pendant le long séjour qu'il fit à Port-Royal, Mme Berthoud se comporta toujours comme un bon sauvage. L'escarbot, de son côté, dit que le grand sagamo Micmac avait été sanguinaire en son jeune âge et durant sa vie. C'est fort possible, mais ses dernières années furent assez pacifiques, du moins dans ses rapports avec les Français, dont il sut s'attirer l'amitié, à tel point que les colons de Port-Royal ne le voyaient qu'avec le plus profond chagrin s'absenter pour ses courses de chasse. Mme Berthoud avait la baie Sainte-Marie pour résidence. Son autorité s'étendait sur cette région assez mal délimitée, comme l'était alors chacune des sagamis de la péninsule acadienne et des régions avoisinantes, de l'autre côté de la baie française, sur la côte de Nuremberg et dans la Gaspésie. Lorsque les Français vinrent se fixer à Port-Royal, en 1605, après avoir péniblement échoué dans leur tentative de coloniser l'île de Sainte-Croix, Mme Berthoud ne tarda pas à venir, du fond de la baie Sainte-Marie, saluer ces étrangers dont il avait connu l'arrivée dès l'année précédente, car il est probable que les sauvages avaient eu connaissance des courses aventureuses à travers bois du pilote Chandoré et de quelques autres, à la recherche de l'abbé Nicolas Aubry, qui s'était égaré dans la forêt avoisinant la baie. Mme Berthoud était un vieillard. L'escarbot dit à deux reprises qu'il dépassait alors sa 100e année, bien qu'il ne parut pas avoir plus de 50 ans et qu'il n'eût pas un seul cheveu blanc. Cette dernière particularité n'est pas un trait caractéristique de jeunesse chez les Indiens, car il est assez rare que les cheveux perdent leur couleur avec les années. Quoi qu'il en soit, Mme Berthoud était à la tête d'une nombreuse famille, et il avait sur toute la nation souricoise une autorité considérable qui n'avait fait que s'accroître avec le temps. « Il était un homme d'esprit, » dit Charlevoix. Joignant à ses qualités la ruse ordinaire aux sauvages et le calcul dans la conduite et les sentiments, sans déloyauté toutefois, ni aucun manque d'insincérité, et nous aurons connu le caractère de cet illustre Sagamo. Fin, rusé, loyal et généreux. Tel était Mumbertou. Durant les 5 années qu'il vécut à côté des Français à Port-Royal, où il avait dressé une cabane tout près du fort, jamais son caractère ne se démentit. Toujours calme et réservé, il ne connut aucune de ces petites perfidies propres aux sauvages et qui laissent parfois chez eux un vice dans le caractère dû au manque d'éducation et à la défiance les uns des autres. Mumbertou se montra l'ami fidèle et dévoué des Français, dans la mauvaise comme dans la bonne fortune. Toujours prêt à rendre service, il s'engagea, après qu'ils eurent décidé d'abandonner l'habitation de Port-Royal, à prendre soin des constructions et à relever le courage des 2 seuls compagnons de Champlain et de Pont-Gravé qui, comme nous l'avons vu, consentirent à rester gardiens du fort pour y tenir debout le drapeau de la vieille France. Poutrincourt avait pris le vieux chef en grande amitié. Pas une fête dans l'enceinte de Port-Royal, sans qu'il eût sa place à table au milieu des compagnons de l'ordre de bon temps dont l'escarbot était l'âme. Ce repas était suivi de harangues et de danses à la façon des sauvages dans leur tabagie. Mumbertou, dit l'escarbot, après la danse, haranguait avec une telle véhémence qu'il étonnait le monde. Il racontait les courtoisies et amitiés dont ils étaient l'objet de la part des colons, ce qu'ils en pouvaient espérer à l'avenir, combien la présence d'Isseux leur était utile, voire même nécessaire, pour ce qu'ils dormaient sûrement et n'avaient crainte de leurs ennemis. Quand les sauvages forains arrivaient à Port-Royal, leur première visite était pour Mumbertou, là où il s'assoit et se mettoit à pétuner, et après avoir bien pétuné, bailloua le pétunoir au plus apparent, et de là consécutivement aux autres. Puis, au bout de demi-heure, commençoit à parler. Lorsque des chefs venaient lui rendre visite, il avait recours à la magnificence française pour leur faire bonne chère. Le vin du cellier était mis à contribution, et les sagamos s'en donnaient à cœur joie. Mumbertou lui-même ne dédaignait pas le vin qu'on lui offrait chaque fois qu'il était au fort. « Cela me réjouit, disait-il, et me procure un bon sommeil. » Mais il n'apparaît pas qu'il se soit laissé entraîner à des excès, comme il arrive généralement aux sauvages quand ils ont l'occasion de boire à leur gré. Sa dignité en eut souffert, et Mumbertou tenait fortement à ne pas la compromettre. S'absentait-il un peu plus qu'à l'ordinaire, il voulait qu'à son retour à l'habitation, on tira du canon, en considération de ses qualités de sagamo, et comme tel, disait-il, il avait autant de titres à cet honneur que les capitaines français. Moreau raconte un fait qui démontre la grande foi de Mumbertou. Un jour que ses provisions étaient épuisées, et que lui manquaient même les ressources de la pêche, parce que le poisson, qui devait à cette époque monter de la mer dans la rivière, n'était pas encore arrivé, se souvenant de ce qu'on lui avait dit de la puissance de la prière, il se mit à genoux et il demanda au Père Tout-Puissant, qui donne aux oiseaux leur nourriture, de lui envoyer quelques secours dans sa détresse. En même temps, avec une confiance pleine d'abandon, il chargea sa fille d'aller voir si le hareng qu'on attendait commençait à paraître. Il ne s'était pas relevé que déjà, celle-ci venait en courant en lui criant « Le hareng, mon père! Le hareng !» C'est ainsi que Dieu se plaît quelquefois à récompenser la foi de ses bons serviteurs. Mumbertou, comme nous l'avons vu, était âgé de plus de 100 ans lors de l'arrivée des Français à Port-Royal. En dépit de cet âge, qui comporte la décrépitude et l'impotence, le sagamo souricois avait conservé une grande force physique. Il jouissait de toute la plénitude de ses facultés. Son jugement était sain, sa mémoire complète. L'organe de la vision chez lui était si parfait qu'il voyait venir une chaloupe d'aussi loin qu'il était possible, sans lunettes d'approche. Au témoignage de l'escarbot, pas un Français n'avait aussi bonne vue que lui. C'est à cette puissance de vision que des Français, arrivant un jour dans une barque à Port-Royal, durent de n'être pas coulés à fond par les gardiens de l'habitation, Miquelet et La Taille, dont il a déjà été fait mention. Quant au langage des peuples de la péninsule acadienne et de la côte de Norimberg, il différait essentiellement. Les Souricois et les Etchemins ne comprenaient pas les Armouchiquois. Le chef de bourgade, qui, du temps de quartier, se disait Agahana à Stadacone, était connu sous le nom de Sagamo chez les Souricois, les Etchemins et les Montagnais. Comment expliquer cette expression commune chez des peuples parlant des langues différentes autrement que par la communauté d'origine? Car ces 3 nations appartenaient à la grande famille algonquine. Les Montagnais étaient connus sous le nom d'Algonquins inférieurs. Nous avons déjà essayé de prouver ailleurs que le langage parlé à Stadacone et à Hochelaga lors de l'arrivée de Champlain en 1608 n'était plus identique à celui que Cartier y entendit en 1535. Ce n'étaient donc plus les mêmes tribus, car on ne peut pas supposer une transformation de langage chez un même peuple dans l'espace de 72 années. Les sauvages de Stadacone et d'Hochelaga avaient-ils été détruits ou chassés ailleurs? La tradition, rendue presque lumineuse à l'aide des renseignements puisés par le père Lafiteau et Nicolas Perrault, célèbre coureur des bois, au cœur même des hordes barbares, établit que les Iroquois, autrefois maîtres des rives du Saint-Laurent, en furent expulsés par les Algonquins qui étaient encore tout puissants depuis Tadoussac jusqu'à la rivière de leur nom, du côté du fleuve avec de nombreux rejetons dans la Gaspésie, l'Acadie et la côte orientale de l'Amérique, du fond de la baie française à l'embouchure de la rivière Pentagouette, tandis que les Iroquois étaient relégués au sud du lac Ontario. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 9 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.